Alice, je trouve très jolie comme prénom. Je l'ai croisée bien par hasard au badminton. Claire Alice attire les regards des garçons. Elle se bouscule, mais elle les laisse dans son sillon. Mais comment bien lui plaire et trouver la voie qui mène à son cœur? Si je savais m'y faire, si je pouvais lui faire croire le bonheur en ma chanson. Mère Alice aime le chocolat, les bonbons, les séries télé sur son PC et mes chansons. Aussi la compétition. Et bien souvent, j'ai le lot de consolation. Mais comment bien lui plaire et trouver la voie qui mène à son cœur? Si je savais le faire, si je pouvais lui faire voir le bonheur dans ma chanson. Sans ses connexions, sans iPhone, non jamais sans ses extensions. Claire Alice, elle est belle à toutes les saisons. L'été, le soleil, elle s'y ressource dans ses rayons. Mais comment bien lui plaire et trouver la voie qui mène à son cœur? Si je savais le faire, si je pouvais lui faire voir le bonheur dans ma chanson. Mais comment bien lui plaire et trouver la voie qui mène à son cœur? Si je savais le faire, si je pouvais lui faire voir le bonheur chanson. Claire Alice, moi je l'aime pour toutes ces raisons. Et maintenant, elle est ma source d'inspiration.